L'étang a planté ses roseaux. Pas loin tremble un sol sur l'îlot. Faut bien dire que ça romance sur les rives. Libellules en folie qui se suivent. L'étang a figé ses drapés. Brume du soir qui embrouille les clartés. Les poules d'eau en appellent aux canards. Brume du noir qui endorme les têtards. Bam, da ba bam, ba ba bam, bam. Baisse en frôlant le clapot. Transhumance des moustiques en troupeau. Je me baisse en touchant la morte eau. Le soleil se déchire en lambeaux.